On va parler probablement qu'un des meilleurs joueurs du multiconcessionnaire cette année, Simon Tremblay. On a connu Simon à l'époque des Saguenay de Chicoutimi, également des Huskies de Rouyn-Noranda. Il a joué également avec les Marquis de Jonquière de la Ligue nord-américaine. Question un peu de savoir un peu comment il trouve ça cette année, son passage dans le, avec le multiconcessionnaire. On lui parle. Salut Simon. Salut. Simon, évidemment, t'as joué... comment t'as trouvé ça ta première année dans la Ligue du Lac-aux-Fleuves? T'avais un rôle différent? Dans la Ligue nord-américaine, dans la Ligue junior du Québec, tu étais ce qu'on appelle un joueur d'énergie. Là, maintenant, on arrive dans la Ligue de la COFAF, tu es un des meilleurs joueurs. Comment tu as trouvé ça? Ah, c'est sûr, ça a été différent pas mal. Il y a eu une petite période d'adaptation. Là. Comme tu as dit, c'est plus mon rôle a comme changé un peu. Il y avait des attentes envers moi, donc il a fallu que je commence à être plus offensif un peu comparé à ce que j'étais avant, mais ça a bien fait, là, j'ai pris confiance dans ce rôle-là. OK, OK. Si on parlait un peu de... si on par, si mais comment tu trouves le calibre de la Ligue? J'ai été surpris. Ouais. Au départ, je m'attendais que ça soit moins fort que ça. OK. Puis... je pense que c'est plus fort que l'an passé, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un saut cette année. Il y a beaucoup d'équipes qui s'est améliorées. Il y a des gros joueurs qui étaient rentrés. Je pense qu'on était trois qui sortaient de la Ligue nord-américaine, en fait. Donc, c'est sûr que ça a augmenté d'une coche le calibre. Donc, j'ai trouvé ça vraiment, c'était surprenant. C'était meilleur que je pensais, en fait. Comment t'as trouvé ça jouer à Dolbeau-Missassigny? T'étais chez vous maintenant, donc on sait que moi je t'ai couvert parce que du temps que t'étais avec les Saguenayens, jouer ici même, devant Étienne? Ouais, c'est ça, je suis vraiment chanceux. Là. Comme dans la Ligue nord-américaine, j'étais chanceux de jouer dans ma région. Puis traite le mieux ses joueurs. Là, je tombe dans la Ligue de la Côte-Fleuve, dans l'équipe qui traite le mieux ses joueurs encore, puis chez nous, donc... J'ai vraiment été surpris de l'appui des partisans aussi. On remplit vraiment l'aréna, puis il y a beaucoup de monde dans l'aréna. C'est sûr que c'est plus le fun de jouer dans des bonnes foules que des fois ailleurs où les foules sont un petit peu plus petites. OK. La série contre la série maintenant contre le Charlevoix, c'est maintenant 3-1. Vous avez gagné les deux matchs chez vous au complexe sportif du secteur de Dolbeau. Là, maintenant, on s'en va à Charlevoix. On peut dire quand même que l'objectif, c'était de gagner un match, là, et vous l'avez fait là, pour reprendre l'avantage de la glace. Oui, c'est ça. En fait, quand on s'est présenté là-bas, on avait dans la tête de gagner un match là-bas, sinon deux, mais finalement, on a réussi à sortir gagnant de un. Ça a été un peu crève-cœur de perdre le premier match en prolongation. On a passé proche. Après ça, là, on s'est revenu chez nous à 1-1, puis on s'était dit qu'il fallait absolument gagner deux chez nous pour aller finir ça là-bas. Puis certainement, vendredi, on a une chance d'aller finir ça là-bas. Puis je pense que les gars sont prêts, on va aller finir ça. OK, OK. C'est sûr que... Puis c'est un bon groupe de gars, les boys, hein, du côté du multiconcessionnaire. Non, c'est sûr, c'est tous les gars qui ont joué ensemble dans le junior avec les Italiens, en fait, là, normalement, donc... ça paraît, on est assez serré comparé à d'autres équipes qui ont comme des gars un peu de l'extérieur qui viennent un peu de partout. Ouais. Nous, on a plus des gars qui ont joué ensemble toute leur hockey, donc c'est sûr que ça paraît. Puis pour notre identité, ça l'aide aussi. Là, on a comme c'est comme ancré dans eux, mais on sait comment c'est. J'ai en dehors, c'est vraiment des travailleurs. Puis encore là, on fait juste monter, puis dans le semestre, ça continue. Les gars travaillent encore plus fort, puis on est vraiment une belle famille. La chimie, c'est important. Dans un rond de non, c'est sûr que dans une équipe de hockey, si c'est pas dans le même bord, ça gagnera jamais. C'est ça qui fait la différence entre les équipes qui gagnent et les équipes qui perdent, en fait. OK, OK. Simon, tu fais quoi présentement? T'es-tu encore à l'université? Oui, je suis encore à l'université. OK. Je suis à ma deuxième année dans mon bac en comptabilité, en fait. Puis je vais finir l'an prochain mon baccalauréat, donc... Puis pour toi, Georgie, l'université avec le hockey, c'est pas trop dur? Je dirais que c'est moins dur que l'an passé avec la Ligue nord-américaine. Okay. C'est un peu pour ça que j'avais pris la décision de jouer moins un peu, d'arrêter de jouer dans la Ligue nord-américaine. Ça me tirait pas mal de vue. Là. Les voyages à l'extérieur sont plus longs. Puis c'est tout le temps deux matchs par fin de semaine. Là. C'est sûr que ça fait une bonne différence. Puis quand t'arrives dans la fin de session, c'est plus dur un peu, donc... j'essaie de m'adapter là, avec avec la nouvelle ligue en ce moment. Puis dans la ligue du lac au fleuve, c'est quoi? C'est une pratique par semaine, quoi? Puis il faut que tu descendes la semaine? Ouais, en fait, nous, à Adelbo, on est chanceux. On a vraiment tout le temps de pratique par semaine. Puis, ouais. Les gars, s'ils peuvent venir, ils viennent. Mais on est quand même un bon groupe, là. Il y a une dizaine de gars toujours là, on va pratiquer. Puis je m'étais dit un peu que j'allais pas aller pratiquer, mais on dirait que à chaque fois qu'il y a une pratique, je me sens comme j'y vais parce que j'ai envie d'être à la place. C'est ça, ça l'aide pour le. C'est souvent la veille du match, donc ça l'aide pour le lendemain là, d'être prêt. Puis c'est une question d'avoir des chums aussi. Si tu me l'as dit encore une fois tantôt, on a un bon groupe de gars, fait que ça aide quelque part, là. Non, c'est sûr, là, c'est fun avec les gars. Quand on va pratique, chaque gars, on est bien content de se voir à chaque fois. Ouais. Puis en même temps, ça démontre un peu notre engagement, là, puis à quel point qu'on est prêt à tout faire pour cette équipe-là. Effectivement. Ben Simon, on va te souhaiter la meilleure des chances. Je pensais que tu avais été avec les Huskies de Rouyn-Noranda, c'est les Foreurs de Val-d'Or que tu avais joué, parce que il y a un beau record qui est en train de se faire avec les Huskies, mais étant donné que tu as joué avec les Foreurs, ben c'est sûr qu'on t'en parlera pas, mais c'est quand même quelque chose de bien. Hein. Le hockey en Abitibi, tu as connu ça quand même, le hockey en Abitibi, et de voir les Huskies à 25 victoires consécutives, c'est quelque chose de gros, là. Ben, je pense que ça fait deux bonnes saisons en ligue. Ils ont gagné il y a 2 ans, je crois. Ouais. C'est ça. Il était à Coupe Memorial. Ouais, exact. Ils ont une très bonne équipe, honnêtement. Puis, c'est que là-bas, en Abitibi, c'est tout petit. On dirait que les partisans sont vraiment proches des joueurs. J'ai trouvé ça surprenant aussi à Val-d'Or. C'est vraiment une belle expérience. Puis, on dirait que, je sais pas, l'énergie, t'as sent comme plus dans toute la ville. C'est différent que. Comme ça peut l'être, mettons, à Chicoutimi et dans d'autres villes. Ouais, c'est sûr que quand c'est tout petit, ainsi de suite. Ben, Simon, on va te donner la meilleure des chances. Bonne fin de saison avec le multiconcessionnaire, on va peut-être se reparler. Merci. Simon Tremblay du multiconcessionnaire de Boom 6.